20-32. Observation, boire. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce que vous buvez, vous? Moi, je bois un kir. Tu bois beaucoup. Moi? Je n'ai rien bu. Il paraît qu'Hemingway buvait beaucoup. Je bois. Je buvais. J'ai bu. Tu bois? Tu buvais? Tu as bu? Il boit. Il buvait. Il a bu. Ils boivent. Ils buvaient. Ils ont bu. Nous buvons. Nous buvions. Nous avons bu. Vous buvez? Vous buviez? Vous avez bu?